Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Diego Rivera et Frida Kahlo, la parfaite relation amouraine. Une femme intelligente qui était un peu le centre de tout ce cercle social. Non? Parce que Frida, elle flirtait avec tout le monde. Et son mariage avec Diego n'était pas facile. C'était un mariage très beau. C'était une relation sadico-masochiste. Le petit-fils de Léon Trotsky qui parle de la relation entre Diego Rivera et Frida Kahlo comme d'une relation sado-masochiste. Diego Rivera et Frida Kahlo, deux des plus grandes figures de la peinture mexicaine du 20e siècle, couple légendaire dont les infidélités réciproques deviendront également célèbres, celle notamment de Diego avec la sœur de Frida, Cristina, mais aussi celle de Frida avec Trotsky lors de son séjour à la Maison Bleue de Coyoacán à Mexico. Señor Rivera! Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Oh, d'accord, tu peux monter. Non, descendez plutôt. Écoutez, je suis pas venue ici pour rire ni flirter. Si je n'ai pas le talent qu'il faut, je devrais faire autrement pour aider mes parents. Diego n'a jamais appartenu à personne. C'est le meilleur des amis et c'est le pire des maris. Attends, si tu crois que je vais coucher avec toi parce que tu m'as prise sous ton aile... Tu as tort. Écoute, je peignais mes fresques et je patifolais en paix avant que tu ne te pointes. On n'a plus qu'à se marier tous les deux. Tu crois pas au mariage? Tu plaisantes? J'ai même déjà eu deux femmes. À Diego et Frida. Diego et Frida! Vous êtes peintre aussi, Madame Rivera? J'ai tué le temps. Elle est bien meilleure que moi. Vous verrez. Tu m'as promis d'être loyale. J'aime vos peintures. Frida, mais pourquoi lui? Parce qu'on le voulait tous les deux. Je me brise le cœur, Frida. Ça fait mal, hein? À Frida! À Frida! À Frida! La relation entre Frida Kahlo et Diego Rivera, sommairement dépeinte dans cette bande-annonce du film Frida, de la réalisatrice Julie Taymor en 2002, pour nous raconter le couple Frida Kahlo-Diego Rivera, on retrouve dans nos studios de Paris Gérard de Cortanze, passionné, grand connaisseur de Frida Kahlo, auteur de plusieurs livres à son sujet, dont Frida Kahlo, La beauté terrible, publié en 2011, et Les amants de Coyoacán, publié en 2015. Gérard de Cortanze, bonjour. Bonjour. Monsieur Le Cortanze, une image. On y reviendra tout au cours de l'émission sur la nature de cette relation, mais un mot d'abord. En quelques mots, une image, qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment définir cette relation entre Frida Kahlo et Diego Rivera? Écoutez, lorsque Diego Rivera et Frida Kahlo se sont mariés, on a dit « voilà le mariage de l'éléphant et de la colombe ». Tout est dit. Parce que, évidemment, un homme, Diego Rivera, gigantesque, mais dans tous les sens du mot, et cette fragilité de Frida, entre autres. Exactement. Et vous savez, à l'époque, Diego Rivera, c'est le peintre mexicain. Il a 37 ans et il a 15 ans hein, quand ils se rencontrent. Donc, c'est vraiment le grand peintre. C'est lui qui récupère pratiquement toutes les commandes d'État. Vous savez que c'est après la révolution mexicaine. Donc, le Mexique retrouve ses racines. Et pour aider le peuple mexicain à retrouver ses racines, l'État a une idée absolument géniale. C'est-à-dire, non pas de demander à des artistes de peindre des vitraux, mais de peindre ce qu'on appelle des murales. C'est-à-dire des fresques murales sur lesquelles on va raconter au peuple mexicain son histoire, de façon à ce qu'il recouvre, il retrouve cette histoire. Et le grand peintre, qui va raconter cette histoire. Ils sont plusieurs, mais celui qui est le plus connu, c'est Diego Rivera. Ouais. Et ses œuvres sont partout. Pour ceux qui connaissent Mexico, les édifices publics, palais, ministère de l'Éducation, enfin, ces grandes murales, on les voit encore aujourd'hui, elles sont partout. Ah oui, il y a une puissance. C'est pour ça qu'on parle d'éléphant et de colombe. Il y a une puissance. Alors, on peut ne pas aimer d'ailleurs cette peinture, mais ce qui est indéniable, c'est la puissance terrible qui se dégage. Et Diego Rivera, à l'époque, est mondialement connu. Oui. Alors, Gérard de Cortanze, revenons sur leur histoire d'amour, sur leur relation. Ça commence comment? Comment se rencontrent-ils? Alors ça, c'est une drôle d'histoire. C'est-à-dire qu'en 1921, Donc le ministère public met ce projet hein, de Murales. Et dans la préparatoria où Frida Kahlo poursuit ses études, eh bien, Diego Rivera est envoyé pour faire une fresque. Alors on est en 1922. Diego est en train de travailler sur sa fresque et sur des échafaudages. C'est l'extrait qu'on a passé d'ailleurs. La petite Frida Kahlo est là, l'interpelle et en fait lui dit déjà tu me feras un enfant. Et ils se retrouvent en fait bien des années plus tard, c'est-à-dire en 26-27, et ils vont se marier en 29. Mais leur histoire commence par un coup de foudre qui n'est pas mutuel. Le coup de foudre, c'est la petite Frida Kahlo qui l'a. Au fond, elle ne le connaît pas encore. La première rencontre, c'est du peintre dont vous nous parlez, c'est du personnage dont elle tombe amoureuse. Oui, elle tombe amoureuse de ce grand peintre mexicain. Je pense qu'il y a, sans doute, chez cet homme monstrueux dans tous les sens du terme, il doit dégager une espèce d'attirance extraordinaire. On en parlera sans doute par la suite, mais au fond, il a couché avec un nombre incroyable de femmes. Il devait être vraiment attirant. Quelque chose devait se passer lorsqu'on croisait son regard. Et c'est exactement ce qui se passe avec la petite Frida. Donc, première rencontre fortuite, cette gamine qui dit « tu me feras un jour un enfant », et puis la vraie rencontre un peu plus tard, autour de 1928, par là, ça gratte très vite. À la vraie rencontre, c'est le coup de foudre. Très vite, ils vont commencer une aventure ensemble. Ah oui, très très vite. Et dès la deuxième rencontre, donc en 28, chez Tina Modotti. Hein, alors faut imaginer le Mexique de ces années-là. C'est le Mexique post-révolutionnaire. Les différents fascismes commencent à exister dans l'Europe. Ça annonce les guerres. Il y a un certain nombre de dissidents, de rebelles, de gens de gauche qui arrivent au Mexique. C'est une terre d'asile à l'époque. Et donc, au milieu de toute cette effervescence culturelle, eh bien, il y a cet amour qui naît chez Tina Modotti, et très vite, ils vont se marier, hein, puisque ils se mariaient en août 29. Ouais. Et immédiatement, d'ailleurs, il y a une dispute le soir du mariage. Ah bon ? Le soir du mariage, Frida Kahlo, retourne. Passe la nuit chez ses parents. Eh bien, dites-donc, c'est bien parti. Hein? Et ça continuera. Ouais. Exactement. Elle veut, c'est plus qu'anecdotique, elle lui dit, gamine, tu me feras un enfant, c'est sa grande obsession et ça n'arrivera pas. Ce sera un grand drame pour elle. Ah, ça sera un drame terrible. Ça sera un drame terrible. Toute sa vie, elle cherchera à avoir des enfants. Avoir un enfant, elle fera des fausses couches, elle ira à l'hôpital, elle sera malade, elle prendra énormément de médicaments. Jamais cet enfant viendra. Et de toile en toile, en fait, on sent bien que c'est quelque chose autour de quel elle va vivre, cette absence. D'ailleurs, à la fin de sa vie, un de ses amis médecins lui donnera... dans un bocal, dans du formol, un fœtus. Ça va vite. Ils se rencontrent, ils s'aiment, ils se marient. Ils vont partir au début des années 30 ensemble aux États-Unis. Diego a des commandes de projets de mural aux États-Unis. Je veux que vous nous racontiez, Gérard de Cortan, cette anecdote à propos d'Henry Ford, parce que ça nous en dit beaucoup sur le tempérament de Frida d'abord, mais sur aussi les idées politiques qu'elle a et qu'a Diego également. Ils se rejoignent, ils sont très à gauche. Mais racontez-nous cette anecdote. Alors, ça va être difficile d'être succinct. Disons que, rapidement, Frida Kahlo, c'est une communiste non dogmatique. Elle est profondément communiste. C'est-à-dire, au fond, c'est ce communisme originel qui, par certains côtés, se rapproche du catholicisme, en quelque sorte. Ouais. Les valeurs d'humanité. Le communisme de Diego Rivera est plus un communisme, dogmatique. Ils quittent tous les deux le Mexique pour aller aux États-Unis. D'abord, parce qu'évidemment, il y a des commandes, ils ont besoin d'argent. Oui. Enfin, mais aussi parce qu'il y a une répression anticommuniste au Mexique à l'époque assez virulente. Donc, ils se retrouvent aux États-Unis. L'anecdote, en fait, on peut l'élargir. C'est-à-dire que Diego Rivera n'a pas de problème, lui, avec ce pays capitaliste, avec l'argent, avec les commandes qui viennent pour certaines d'un industriel qui est prêt à faire mater les grèves dans ses usines en envoyant la police ou les militaires. C'est ce qui se passe. Frida Kahlo, elle, comme on dit en France, est mal dans ses bottes. Oui. Elle n'est pas bien, elle vit ça très très mal. C'est-à-dire, elle hait les États-Unis, la vie aux États-Unis. Et très vite, elle va faire tout ce qu'elle peut pour rentrer au Mexique. Elle fait de la provoque, finalement. Avec Henry Ford, entre autres, mais en permanence, voilà. Mais imaginez cette femme qui chante, qui danse, qui boit, qui aime la vie, qui dit des gros mots, qui fume, face à la bonne... Parce que c'est la bonne société américaine qui les reçoit. Mmh. Ce sont les bourgeois américains. Ce n'est pas le Parti communiste des États-Unis qui les reçoit. Ouais. Et elle... vit ça très mal. Elle n'a qu'une envie, c'est de revenir au Mexique, et de repartir. Puis la fameuse anecdote, c'est qu'elle demande à Henry Ford, qui est un antisémite notoire, elle lui dit, est-ce que vous n'êtes pas juif, M. Ford? Mais c'est le personnage. Elle veut provoquer, elle n'est pas bien dans ce cadre dans lequel elle est à ce moment-là. Ben, ayant, et vous avez tout à fait raison, ayant elle-même, je le rappelle, par son père, du sang juif et du sang indien. Oui. On y reviendra d'ailleurs à cette indianité, ce sera important dans l'art de Frida Kahlo, de Diego Rivera également. Les infidélités, on ne peut pas faire une émission sans aborder ces infidélités dans le couple, elles seront nombreuses, particulièrement celles de Diego. On écoute la biographe de Frida Kahlo, Rhoda Jamis, en parler à l'émission Apostrophe de Bernard Pivot en 1986. Il est plus que séducteur, il est coureur, quoi. Ah oui, maman. Et c'est un coureur effréné. Non, mais je sais pas. Là, on va rentrer dans le thème de la beauté. Je pense qu'il avait beaucoup de charme parce qu'il était visiblement très drôle. Mmh. C'était quelqu'un de aussi plein de vie, qui racontait beaucoup d'histoires, qui fabulait beaucoup, et les femmes étaient toutes séduites, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'elle, à son tour, a eu des amants, à mon avis. Ce n'est pas du tout parce qu'elle était infidèle à cet homme. Je crois qu'elle l'aimait plus que tout au monde, mais presque, il l'a poussée à être infidèle. Oui, mais cet homme, en plus de ça, est une jalousie épouvantable. Absolument. Mais ça, c'est les contradictions de l'amour et les désordres de l'amour. C'est-à-dire qu'il était horriblement possessif. Et puis, en même temps, il pouvait pas s'empêcher d'aller ailleurs. Et puis, en même temps, effectivement, inconsciemment, il poussait Frida à faire de même. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso. Alors, il est, Diego Rivera, insatiable, Gérard de Cortanze, un vrai coureur invétéré. Oui, c'est un peu gentil, la vision de Rhoda Jamis. Hein. C'est une ordure, Diego Rivera. Ouais. C'est je veux dire, il la trompe à tour de bras. Il lui dit, tu es le paillasson, mon amour. Un jour, elle se retrouve à l'hôpital à la suite de la énième fausse couche. Il en profite pendant ce temps-là, pendant qu'elle est à l'hôpital, pour coucher avec sa sœur. Ouais. Ça, ce sera la plus, comment dire, le coup le plus terrible pour elle, pour Frida Kahlo. C'est terrible parce que sa grande amie, c'est sa sœur. Elle sait tout, elles se connaissent depuis l'enfance, elles n'ont pas de secret l'une pour l'autre. Et Diego la trompe avec cette amie de toujours. Mais je ne suis pas du tout d'accord quand on explique qu'au fond, elle veut se venger. Non, je crois qu'ils ont tous les deux un type de fonctionnement, amour-haine, qui est le leur, c'est-à-dire... Ouais. Je ne sais même pas si on peut dire que Frida trompe Diego et que Diego trompe Frida, finalement. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ce type de fonctionnement. Et il ne faut pas oublier que Frida revendique. Elle est le fruit de la Révolution mexicaine. Elle fait partie de cette génération de femmes qui lentement ont pris le pouvoir au Mexique, et qui veut son indépendance. Elle veut une indépendance financière, sexuelle, une forme d'autonomie. Et donc, elle veut être, comme on dit aujourd'hui, libre de son corps. Oui. Donc, et d'ailleurs, elle aura, dans cette quête de liberté, elle aura des aventures homosexuelles. Ça fait partie un petit peu de cette démarche, non? Absolument. Alors, ce qui est étonnant, ce qui prouve que Diego est vraiment un grand machiste, c'est qu'il ne lui reproche pas ses aventures homosexuelles. Ouais. Il veut bien que sa femme fasse l'amour avec d'autres femmes et pas avec d'autres hommes. Et si, pour Frida Kahlo, l'infidélité suprême, évidemment, c'est celle qu'il commet avec sa sœur, l'infidélité qui dérangera le plus Diego Rivera, c'est cette aventure qu'aura Frida Kahlo avec Léon Trotsky. Alors ça, c'est très intéressant, parce que tous les deux, et Frida Kahlo et Léo Trotsky, disent que c'est une aventure très importante dans leur existence. Ça se passe à Mexico, à la Maison Bleue. Ça se passe à Mexico, à la Maison Bleue, 37-38. Il ne faut pas oublier que c'est sur intervention de Diego Rivera que Trotsky peut enfin trouver une terre d'asile. Il mourra en 40, on sait dans quelles conditions. Ouais. Mais alors, l'aventure avec Trotsky, ce qui est intéressant, c'est que Diego Rivera l'apprend un an après les faits. Et de la façon suivante, il comprend qu'il y a eu cette aventure entre les deux. C'est le jour de la fête des morts. Il va voir Trotsky. Frida Kahlo, à ce moment-là, est à Paris, invitée par André Breton pour une exposition. Donc, Diego va voir Trotsky, lui offre une tête de mort en sucre sur laquelle est écrit Staline. Évidemment, Trotsky le met à la porte et à la suite de ça, il va quitter la Casa Azul pour aller vivre dans une autre maison, un peu plus éloignée, qui est la fameuse forteresse dans laquelle il sera assassiné. Ouais. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'époque, on a expliqué qu'il y avait une différence idéologique. Que Diego et Trotsky se séparaient parce que idéologiquement, ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde. Or, ce n'est pas du tout une question idéologique. En fait, leur rupture, c'est cette histoire d'amour qui gêne énormément Diego. Il nous reste quelques minutes, Gérard de Cortance. Parlons peinture, parce que c'est important. Deux des plus grandes figures de la peinture mexicaine sont devant nous, Diego Rivera et Frida Kahlo. On écoute Roxana Velasquez, directrice du Palais des Beaux-Arts de Mexico, parler de la peinture de Frida Kahlo dans un reportage de Jean-Michel Leprince en 2007. Ses autoportraits sont les œuvres les plus connues et les plus reproduites dans le monde. Parce qu'ils rendent justice à la personne qu'elle connaît le plus, elle-même. Souvenez-vous qu'elle a passé la moitié de sa vie prostrée dans un lit. Elle a un miroir où elle se regarde. Ce n'est pas une question de narcissisme ni de vanité. Elle se peint en voulant représenter un être humain qui souffre, qui pense. Frida transcende son époque. Elle est à l'avant-garde. Elle ose, risque et provoque de différentes manières. Sa bisexualité, son activisme politique, s'habiller en homme ou se couper les cheveux, des choses pour attirer l'attention de Diego, et aussi parce qu'elle croyait qu'elle devait vivre et profiter de toute la splendeur du monde. Cette femme savait qu'elle avait peu de temps à vivre, que la mort était présente à chaque moment, et elle voulait en profiter un maximum. Alors, Gérard de Cortance, la peinture de Frida Kahlo, ses autoportraits, c'est ce qui la rendra célèbre. Comment décrire, comment comprendre cette peinture? Oui, alors, tous les peintres, enfin, beaucoup de peintres ont peint des autoportraits. Mais dans le cas de Frida Kahlo, c'est très différent. Et ça n'a rien à voir avec une forme de narcissisme. C'est-à-dire qu'elle peigne des autoportraits ou qu'elle peigne des toiles qui ne sont pas des autoportraits. Finalement, ça revient au même parce qu'elle raconte. Elle raconte sa vie, elle se regarde vivre dans ses toiles. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans Ma nourrice et moi, on voit cette nourrice qui est froide, ça n'a pas un tableau de 37, et un bébé qui est totalement indifférent par rapport à ce sein qui devrait la nourrir. Et en fait, c'est le rapport qu'elle a eu avec sa nourrice qui ne s'occupait pas d'elle. Lorsqu'elle se sépare de Diego, elle peint un petit tableau qui s'appelle « Quelques petites coupures ». On voit une femme lardée de coups de couteau avec un homme à côté d'elle, sur le lit, et cet homme, c'est Frida Kahlo. Ouais. Lorsqu'elle subit un énième avortement, elle sort de l'hôpital où elle était à Detroit, aux États-Unis. Elle intitule ce tableau « Hôpital Henry Ford, Detroit ». Elle peint sa vie. Je ne suis pas historien de l'art, mais est-ce que autant Frida Kahlo... au fond, fait un journal intime avec son œuvre. Est-ce qu'on peut pas dire que Diego Rivera, lui, est dans le grand portrait social, le journal de tout un pays, finalement? Oui, c'est ça. Il est pas dans l'intimité. Et je crois que ce qui fait que Frida Kahlo reste aujourd'hui et intéresse autant encore aujourd'hui, c'est ce côté totalement intime, c'est-à-dire qui traverse qui traverse le temps. Je mets au défi vraiment quelqu'un qui regarde un tableau de ne pas être bouleversé par le tableau de Frida Kahlo. Il se passe toujours quelque chose lorsque vous regardez. Et souvenez-vous, quand vous voyez ces toiles, elles sont minuscules. Ouais. Ce sont des petits formats. La colonne brisée, hein, qui est un tableau, il y a une puissance qui se dégage, quelque chose d'énorme. Et en fait, c'est un minuscule tableau qui fait 18 cm sur 30. Alors que Diego, encore une fois, lui, est dans le gigantisme. Il est dans le gigantisme. Et Frida Kahlo, on la reconnaît instantanément, c'est vrai. La figure moderne aussi, vous parliez de cet aspect, elle veut être libre, elle veut être indépendante. Ah, c'est devenu une figure féministe depuis quelques années. Mais absolument. Et d'ailleurs, vous savez qu'au fond, elle était un temps soit peu tombé dans l'oubli, et ce sont les féministes américaines qui l'ont remise au bout du jour il y a à peu près une vingtaine d'années, et depuis, l'aura de Frida Kahlo ne cesse de croître. Et puis peut-être aussi dans cette dimension de modernité, on parle beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont leur propre marque. C'est ça déjà, Frida Kahlo. C'est une signature dans sa peinture, c'est une manière d'être, c'est quelqu'un qui s'habille de manière traditionnelle. C'est une marque avant que ce soit l'époque des artistes marques. Ah mais totalement, je me souviens d'une anecdote que m'avait racontée mon ami Carlos Fuentes. Il était très jeune, c'est une des dernières sorties en public de Frida Kahlo. Il va dans un théâtre et se produit sur scène une femme scandaleuse qui danse le tango en pantalon. Donc, normalement, tout le monde doit regarder cette actrice qui est en train de danser le tango. Et en fait, il me dit, la salle était tournée, et moi y compris, vers le premier balcon, où il y avait une sorte d'icône précolombienne avec une coiffure, une robe, des bijoux, des colliers, et c'était Frida Kahlo. C'est-à-dire que, déjà, oui, elle imprime, vous savez, aujourd'hui, il y a l'œuvre qui existe, et à côté de l'œuvre, regardez tous ces magazines où il y a des vêtements Frida Kahlo, des colliers Frida Kahlo. Récemment, il y a une exposition. Il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas une exposition dans le monde autour de Frida Kahlo. Ouais. Bouclons la boucle, Gérard de Cortanze, sur la relation amour-haine. Il y avait vraiment de l'amour? Ah, je pense qu'il y avait évidemment de l'amour. Évidemment, enfin, ces deux êtres. D'ailleurs, c'est très très étrange, mais vous savez, les pages les plus belles qui ont été écrites sur Frida Kahlo, c'est Diego qui les a écrites. Il savait exactement de quoi il parlait. Et puis, il y a cette scène terrible. Traditionnellement, lorsqu'on meurt au Mexique, pour voir si la personne est vraiment morte, on coupe les veines. Et c'est ce qu'a fait Diego Rivera. Il était là jusqu'au bout. Gérard de Cortanze, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes auteur de Frida Kahlo, La beauté terrible, publié en 2011 chez Albin Michel. Merci infiniment, Monsieur de Cortanze. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.